Évidemment, au Canada, les partisans de soccer sont jubilent parce que pour une première fois depuis 86, tout près de quoi 40 ans, le Canada va participer à la Coupe du monde de soccer. Et je voulais avoir un point de vue européen, un point de vue français, comment ils trouvent notre équipe qui continue à surprendre la CONCACAF. Et on a parlé avec, vous l'avez connu, pendant l'Euro, on a parlé avec Benoît, avec Nicolas Cougeot, qui est journaliste pour RMC. En France et également France Football. Salut Nicolas. Salut, salut. Salut Nicolas. Évidemment, moi, je veux avoir un point de vue européen. C'est vous autres les experts. Nous, au Canada, le soccer, longtemps, là, a été parents pauvres. Mais là, vraiment, c'est incroyable ce qui se passe. Écoute, premier de la zone CONCACAF, devant le Mexique, devant les États-Unis. Et jamais j'aurais pensé qu'on allait gagner sans Alphonso Davies. Comment tu as trouvé ça? Eh ben, écoute, alors. Il faut que tu distingues deux types de personnes. Tu as Ouais. bah, les grands médias généralistes en France qui vont, faut dire les choses, clairement pas regarder et qui ne regardent absolument pas ce qui se passe ailleurs qu'en Europe. Hein. Ouais. Et alors encore moins en Amérique du Nord. Ouais. Et donc voilà, ils regardent un peu le Canada par le prisme de Jonathan David, en fait, hein, parce qu'il joue en Ligue 1, donc forcément c'est intéressant par rapport à ça. On regarde, enfin, ils ne regardent que ce que fait Jonathan David. En gros, hein, je caricature, mais OK. pas trop. Et après, tu as ceux qui regardent, voilà, qui s'intéressent vraiment à cette zone. Voilà, j'en fais partie. Enfin, je ne sais pas si on peut parler pour tout le monde. En tout cas, à titre personnel, moi, je suis séduit par cette équipe, très clairement. C'est probablement, tu vois, je l'ai écrit récemment sur mon site, sur Lucarne Opposée. C'est la seule équipe qui a quelque chose de cohérent et d'intéressant à proposer en termes de jeu dans cette zone CONCACAF, sur cette Ouais. octagonale finale avec Panama. J'aime beaucoup Panama aussi. Et voilà, cette équipe-là, très franchement, qu'elle soit première, oui, sur le papier, c'est une surprise. Ça, Ben. je suis d'accord avec toi. Mais dans les faits, non, au final. John Neumann est vraiment, vraiment, vraiment la raison, hein, je pense. Ben, évidemment, il y a plusieurs. Tu peux parler de l'esprit d'équipe, tu peux parler de la chimie, de la profondeur. Borjan d'un but qui est incroyable. Hein, Incroyable. incroyable. Si le Canada est là, je suis pas sûr que c'est Alphonso Davies, c'est Borjan, là. Écoute, contre le match contre le Mexique, je ne sais pas si tu l'as regardé, là. Mais incroyable. Là. Et encore une fois, dans la dernière poule ou encore la dernière ronde de qualification, il est extraordinaire. John Hugman, c'est lui qui est le grand architecte de cette équipe-là. Là. Ouais, très clairement. Très clairement, il a véritablement construit quelque chose. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire le parallèle, parce que, et c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire aussi, parce que tu as l'optique, tu as l'objectif 2026, Ouais. puisque tu vas avoir États-Unis, Mexique et Canada, les trois pays organisateurs. Bah justement, si tu regardes ces trois pays organisateurs dans l'optique de 2026 aussi, même s'il y a 2022 qui arrive très vite, enfin, la Coupe du Monde arrive là, il y a une équipe qui a clairement construit un projet avec Erdmann, qui sait ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut proposer, comment, avec quels hommes. Et ce n'est pas trop le cas des deux autres pays hôtes, en fait. Et c'est aussi pour ça que c'est assez logique que tu vois le Mexique et les États-Unis qui se retrouvent enfin, loin. Ils sont à 4 points, mais ils sont derrière le Canada. Et ouais, tu disais, Herdman est l'architecte, clairement. Et on voit justement la force de ce Canada, c'est, tu l'as aussi dit, c'est qu'elle n'est pas Alphonso Davies dépendante. Bien, ouais. Et ça, c'est ce qui fait que cette équipe-là aussi, ça s'explique parce qu'elle a quelque chose de cohérent à proposer de manière générale. Et franchement, en termes de jeu, voilà, forcément, il y a des joueurs qu'on retient. Moi, je suis toujours sous le charme de Buchanan. Hein. Tejon Buchanan, OK. il est magnifique. OK. Mais tu disais Borjan, voilà, ça fait partie de ces joueurs. Borjan, on ne l'attendait pas, franchement, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Ah, écoute, il est incroyable. Irgman, sa force également, c'est qu'on dit que c'est un grand motivateur. C'est un gars qui a réussi à convaincre des joueurs comme Borjan, justement, qui a double nationalité, au lieu d'aller jouer pour la Serbie, de venir jouer pour le Canada. Et c'est tout un vendeur, là. Écoute, puis c'est pas juste ça, là. Faire le passage de l'équipe féminine, parce que l'équipe féminine, c'est incroyable, là. Et ils font partie des top 5 de l'équipe de la FIFA sur le classement, puis là, et de faire le passage et de faire les mêmes résultats, ce gars-là était extraordinaire. Ouais, puis il démontre aussi que tu peux tout à fait passer des féminines au masculin sans perdre en termes de résultats, ce qui montre aussi que quand tu as des résultats chez les féminines, ça veut dire quelque chose. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il pourrait s'en aller? Est-ce qu'on pourrait se le faire voler en Europe? C'est une très bonne question. Ça va dépendre un petit peu comment le projet lui a été proposé. Très franchement, je pense, enfin, en football, 4 ans, c'est long, Ouais, hein. ouais, ouais. C'est très long. Mais il a le projet quand même de mener ce Canada-là jusqu'à une compétition qu'il va organiser, jusqu'à une Coupe du Monde qu'il va co-organiser. OK. C'est pas mal. Mais oui, tu peux. Bah, c'est du foot, hein. Tu peux toujours te le faire voler, clairement. OK. Bon, un de nos collègues, Jérémy Filosa, disait que l'autre fois que le Canada avait probablement l'un des peut-être les trois meilleurs joueurs de la CONCACAF avec Alphonso Davies, Jonathan David et Kyle Lorraine. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Lorraine, c'est peut-être un peu forcé, là, Ouais. mais un, deux, là, David Sur oui, et sur ouais. ouais, sur les deux autres, sur Jonathan David et Alphonso Davies, clairement. OK. Est-ce que ce sont parmi enfin est-ce que ce sont les meilleurs de la CONCACAF? En même temps, si on regarde sur l'octogonal, ce sont les seuls qui arrivent à véritablement porter leur sélection. OK. Si tu regardes le voisin du sud, les États-Unis, bon, il y a d'autres problèmes, hein. Tu vois, on parlait du projet d'Erdmann. Moi, le projet de Berhalter, je ne le vois pas, hein, avec les États-Unis. Ce qui montre, ce qui fait aussi que tu as des joueurs comme Pulisic, bon, qui a du mal, je trouve qu'il a du mal à s'exprimer. Mais, et Jonathan David, on le voit en France, on le voit à Lille. Bon, je vais y arriver tantôt, Jonathan David. Dis-moi, le Canada, fin du 6, c'est chose faite. Moi, je me rappelle la Coupe du Monde de 86. On avait joué un match contre vous, d'ailleurs, la France. Je ne sais pas si tu as entendu parler, là. Avec le On but de avait papa. été impressionnés. On avait bien joué contre la France, là. Par la suite, on n'avait pas marqué un but, puis on était plus figurant. La grosse différence cette année, c'est qu'on est. Et dis-moi, c'est toi l'expert, là, surtout en Europe, là. Est-ce que le Canada, selon toi, a des chances de gagner un match au moins? Moi, je pense que Ouais, je. très logiquement, c'est pas exagéré de penser à un match. On ne sera pas figurant comme en 86 où on était juste content d'être là. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un élément qu'on ne maîtrise jamais. Le groupe, dans Et quel ça. groupe tu vas tomber? Bon, ça, déjà, ça, c'est vrai, ça, c'en est un. Ouais. Déjà, tu ne sais pas quel chapeau tu vas être. Donc, ça conditionne pas mal ton groupe. Ensuite, il y a l'autre élément qu'on ne maîtrise pas. Tu le disais, la dernière fois, c'était 86. Ces joueurs-là n'ont jamais eu d'expérience de ce niveau-là, de ce que représente une Coupe du Monde en termes. Et là, je parle juste en termes émotionnels, hein, pas forcément en termes de niveau intrinsèque, parce que je veux dire, Jonathan David d'aujourd'hui, il ne sera pas différent en novembre, hein, en termes de Non, non, joueurs. non, non. Mais comment aborder ce genre de compétition? C'est la seule inconnue. Après, est-ce que le Canada peut viser à gagner un match? Écoute, ils ont battu les États-Unis, ils ont battu le Mexique, ils n'ont pas perdu au Mexique. Donc, c'est Ils n'ont pas logique de perdu aux moins. États-Unis. Je pense qu'ils peuvent le. C'est pas paraître arrogant de la part des Canadiens de dire on peut viser une victoire. Ouais, OK. Bon, je veux te parler de ce qui se passe en France. Écoute, avant de parler du PSG, Jonathan David, on entend toutes sortes de rumeurs, là, qui pourraient faire sauter la banque lors du prochain mercato cet été. Est-ce que tu entends la même chose? Est-ce que tu penses qu'il va quitter la Ligue 1 pour un autre circuit majeur, je ne sais pas moi, la Première Ligue ou encore celui en Allemagne ou en Espagne? Ou en Espagne, peut-être pas, parce que c'est un des programmes les plus. La Première Ligue ou encore en Allemagne? Ouais, probablement. Bah, tu parlais de faire sauter la banque. Je pense qu'il va faire sauter la banque. Et franchement, en Europe, faire sauter la banque, ça veut dire que ce sera en première ligue. Ouais. Voilà. Les Après, rumeurs le qu'on site. entend, c'est où en Europe? Parce qu'on entend. Bah, je sais pas. On a entendu un peu tout. Là, ça s'est calmé ces derniers temps. Ça va Ouais. vraiment s'animer à partir du mois de mai. On OK. va réentendre. On verra à ce moment-là. Mais ce qui est certain, c'est que c'est la politique de Lille. Lille vend ses meilleurs joueurs. On a vu, ils viennent de perdre Ikoné qui est parti à la Fiorentina. Ouais. Et l'économie des clubs français ne repose que sur la vente des meilleurs joueurs. Donc oui, Jonathan David, ce sont ses derniers mois en France, clairement. OK. Bon, au moment où on enregistre ce podcast, quelques jours avant le match du PSG en Ligue des Champions, comment ça va? On entend toutes sortes d'échos. C'est sûr qu'en Europe, ce qui se passe dans la Ligue française, il faut vraiment aller sur Internet et fouiller, là, parce qu'au Québec, on n'entend pas parler, là. Mais ce qu'on entend, c'est que ça va pas si bien que ça pour le PSG. La chimie est pas là. Messi, Neymar, Sergio Ramos, d'abord. Et ça va pas bien. Est-ce que c'est vraiment ça? Ouais, ça va pas fort. Bon, après, t'as les traditionnelles blessures récurrentes de Ouais. Neymar, t'as Sergio Ramos qui est blessé tout le temps, qui joue quasiment pas. Est-ce qu'il va jouer à la Ligue des Champions? Bah, le problème, c'est qu'il va être aussi en manque de temps de jeu. Jouer le Ouais, Real Madrid sans avoir joué beaucoup avant, ok. on Ouais. verra. Tout est possible. En fait, le gros problème du PSG, ce qui cristallise l'attention en France sur le PSG, c'est Pochettino. Ah Ça ouais, ne fonctionne pas. ben c'était Ça ma fonctionne pas. question, parce que c'est bien beau avoir des bons joueurs, mais ça prend un bon chef d'orchestre. Pas donné à tout le monde, là. Bah, c'est ça, c'est Pochettino, ça. écoute, c'est pas, ça semble pas ça, hein. Non, Lui non, non, ça va semble pas sauter, ça. c'est probablement si jamais ça va pas loin, hein. Ah bah de toute façon, je pense que ce sont ces derniers mois. Je ne suis pas OK. convaincu qu'ils continuent. Après, on ne sait jamais. Tu vois, on dit ça aujourd'hui. Si ça se trouve, ils vont gagner la Ligue des Ouais. Champions. Hein. On ne sait jamais. Mais non, ça semble compliqué. Il y a eu en plus beaucoup de rumeurs qui annonçaient déjà un départ. Ça annonce déjà que Manchester United est intéressé. Bon, tu vois, on entend beaucoup plus de rumeurs de départ de Pochettino qu'autre chose. Et puis, ça fonctionne pas. Il n'arrive pas à faire jouer Messi. Il n'arrive pas à donner quelque chose. Cette équipe-là, elle est tellement irrégulière. Qu'est-ce qui est Un marqué? coup. C'est pas un problème de chimie? Y a-tu des blessures? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou tous ces problèmes? Le PSG, c'est compliqué. Franchement, je sais quand ils ont ça, je dis tout et je dis rien, mais OK. c'est tellement compliqué cette équipe. Il y a l'extra-sportif, il y a l'intérieur du vestiaire qui n'est pas forcément foufou apparemment. Tu vois, il y a toujours ces problèmes de clan et il y a ce problème de chef d'orchestre qui ne tient pas à l'équipe. C'est aussi simple que ça. Je pense que si tu avais un Ancelotti à la tête du PSG, il n'y aurait pas de problème. Tu vois, OK. c'est un exemple parce qu'il a été ancien du PSG, il va jouer contre eux là avec le Real. Mais. Je pense qu'ils ont un problème. Ouais, ils ont un problème de. C'est la pyramide de décision qui pose problème. Il y a des soucis avec Leonardo, il y a des soucis avec les dirigeants. Enfin, tu vois, tout le monde n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Et ça a toujours été le problème du PSG ces dernières années. Donc voilà, Pochettino, ça, c'est parti pour être un échec de plus, comme l'a été Emery, comme l'a été Tuchel, et voilà quoi. Ben, Nicolas, on invite les gens à aller, pour les amateurs de soccer, de football ou de soccer, on invite à aller sur ton site qui est, rappelle ton site internet, Lucarne opposé, lucarne-opposé.fr. lucarnodisé. Tu es également collaborateur à RMC, à la radio en France, et également collaborateur également sur le site que tout le monde connaît, ben, les amateurs de foot, France Football. Merci beaucoup. On va s'en reparler sûrement avec Benoît Lavoie d'Espace Soccer à un moment donné. Eh bien, ça marche, merci bien. Voilà, donc Nicolas Cougo qui nous parlait de l'équipe canadienne de soccer. Merci, on s'en reparle. Eh bien, ça marche. Merci, ça va, salut. Salut, salut.